Très heureux d'avoir un nouveau collaborateur à DonaldoSport.com cette année, Joey Alfieri, que vous avez connu à TSN 690. Et moi, je l'ai connu pas à TSN 690 parce que je ne parle pas anglais, malheureusement. Tout le monde le sait. Moi, je l'ai connu dans le podcast avec Guillaume et Juste qui s'appelait Le Sac du Cœur. Bonjour, Joey. Salut, ça va? Ça va bien. Très heureux de t'accueillir, Joey. Merci. Pour les gens qui ne connaissaient pas, tu étais à TSN 690. Hein? C'est ça. J'étais à TSN 690. Je faisais la couverture un peu du Canadien, des Alouettes et du CF Montréal. Donc, je faisais okay. un peu tout. Et au mois de février, on a fait le saut et on a embarqué avec les Alouettes de Montréal à temps plein. C'est-tu comparable à Chantal Maccabée? Tu fais la même job? Oui. Pour le Canadien? Du moins, je sais pas exactement les tâches qu'elle a, mais je pense que Chantal est rendue un peu plus arrière-scène. Je sais qu'elle fait du travail un peu en avant de la caméra aussi, mais moi, j'ai un mélange des deux, là, honnêtement. Je vais écrire des articles. Je vais faire des vidéos, des balados et tout ça. Donc, j'imagine, oui, c'est comparable, moi, mais j'ai beaucoup moins d'expérience. Le but, Joey, ton rôle va être un peu de faire parler des Alouettes, d'être plus présent sur les médias sociaux, plus. Oui. OK. Oui, mais c'est ça. Écoute, en fait, c'est pas juste ça. Je pense que les Alouettes et moi, on a la même idée. On aimerait avoir. T'sais, un peu plus d'analyse. Donc oui, c'est sûr que, écoute, je travaille pour l'équipe, mais on va continuer de dire les vraies choses. Okay. S'il y a des choses qui ne vont pas bien, on va le mentionner. Là, on fera pas semblant que tout va bien, tout est parfait. Mais c'est vraiment plus d'analyse. On veut raconter les histoires des joueurs. Okay. Donc, c'est vraiment un gros boulot qui doit se faire. Mais écoute, il y a tellement de bons gars dans ce groupe-là qui ont des histoires ah ouais. intéressantes, tu sais, des parcours très intéressants. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut faire. Là. On va avoir beaucoup plus de contenu. On veut être sur des réseaux sociaux différents. On est embarqué sur TikTok là, il n'y a pas longtemps. Et les jeunes aiment vraiment notre page. Donc, c'est vraiment, on commence... tout juste avec ce camp d'entraînement-là, à voir les joueurs en ville. Okay. Et c'est sûr qu'on va en faire beaucoup. Ah, on va en faire beaucoup là, pendant la saison. Il y a tellement du bon monde chez les Alouettes. Ils sont tellement collaborateurs. Oui. Puis c'est tellement Charles Rook fait. Moi, j'ai une très belle relation avec Charles Rook et également François. Oui. Francis, qui s'appelle le oui. son associé. Hey, Joey, on va oui. parler un peu des Alouettes. Est-ce que Kerry Jones n'a pas été en danger? Parce que là, l'an dernier, là, on avait l'impression que ça... Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre, cette conférence de presse à la fin, que Danny Machocha a dit. Tu sais, il me semble qu'il y a des choses qui auraient dû se dire en privé puis qui se sont dit en public. J'ai l'impression que Kerry Jones marche un petit peu sur des œufs cette année. Est-ce que je me trompe? Mais je sais pas, honnêtement, j'ai pas ce sentiment-là. Okay. Je suis aux alentours d'être d'équipe. Plus sévère de... T'en rappelles la conférence mais, de presse? Mais c'est ça. Ouais. Oui, j'ai entendu la conférence de presse. Je pense que les deux l'ont dit à plusieurs reprises. Je pense que Harry l'a mentionné qu'il fallait qu'il soit un peu plus tough dans certains instants. Et je pense que honnêtement, depuis le début du camp d'entraînement, j'ai vu un côté un peu plus sévère de Harry. Pas tout le temps. Mais quand ça prend un peu plus d'intensité du coach, je pense que cette saison-là, on va le voir. C'est ça que j'ai vu au camp d'entraînement à date. Là, il y a certains moments où, tu sais, il y avait, vous donner un exemple, il y avait un manque de focus sur le terrain par une couple de joueurs. Et Kari a vraiment, tu sais, il n'est pas gêné de leur dire et de leur faire entendre ce qu'ils pensent. Et donc, moi, je pense cet aspect-là, ça ne sera pas un problème. Évidemment, samedi à Hamilton, ils ont pris 183 verges de pénalité, ouais. Ce qui n'est pas idéal. Mais ouais. Écoute, c'est un match pré-saison. On a voyagé avec 75 joueurs. Là, donc, il y a beaucoup, la moitié. Presque ouais. la moitié ne seront pas là. Ouais. Donc, quand la saison commence... C'est souvent ça dans le match à l'étranger. Tu as beaucoup de jeunes à l'étranger. Oui, oui tu as beaucoup de jeunes. Dans le deuxième match. C'est sûr. C'est sûr, puis il y a des pénalités qui ont été prises, là, qui n'auraient pas dû être prises, mais moi, je pense honnêtement, cette année, là, je m'attends à voir un Kerry Jones, pas trop différent, mais je pense que tu sais, ce qui a été mentionné à la conférence de presse de fin d'année, je pense qu'il a pris ça à cœur et je pense qu'il va vraiment essayer de s'améliorer ou de s'ajuster à ce côté-là. OK, Joey, si, au niveau du quart arrière, Vernon Adams, l'année passée, il y avait une question de problème, peut-être un petit peu d'anxiété pour être prise avec ce problème-là. De la manière qu'on décrivait ça, on disait que ça ressemblait à de l'anxiété de performance. Est-ce qu'on a travaillé ça cet hiver avec lui? Anxiété de performance, je vais être honnête avec toi. J'en ai pas entendu parler. Je veux dire, il y avait de la misère avec le contrôle du ballon au niveau mental. Ça ressemblait au niveau mental. Oui, mais écoute, je pense que tu sais, quand les choses ne vont. Parce que, écoute, il faut avouer qu'en 2019, c'était différent. Les attentes, il n'y en avait pas pour les Alouettes. Donc, évidemment, tu sais, quand tu connais une saison où tu es l'équipe surprise de la Ligue, tu gagnes plus de 10 matchs pendant la saison régulière. C'est sûr qu'il y avait des attentes. Mais écoute, c'est sûr que les niveaux de performance, il y avait un manque de constance. Je te le cacherai pas, là, c'est vrai. Mais je trouve que quand même, si tu regardes beaucoup des statistiques en attaque, écoute, les Alouettes étaient un ou deux dans la majorité des catégories en attaque l'année dernière. On a vu des grosses performances en attaque. Je me souviens à Ottawa avec Vernon au poste de quart, ils ont marqué, je pense, 51 points. Donc, tu sais, c'est vraiment, il faut juste trouver cette constance. Il faut trouver la constance parce qu'on a connu des gros moments et il y avait des moins bonnes performances. Mais à date, là, avec la blessure à l'épaule gauche, là, Vernon, à moi, tant qu'à moi, il a l'air, tu sais, en pleine confiance, en pleine santé. Et j'ai hâte de le voir jouer vendredi contre le Rouge et Noir parce qu'on ne l'a pas vu encore. Est-ce que tu sens qu'il y a de la pression? Parce que Trevor Harris est là, il y a Dominic Davies également, qui est un corps partant, qui a déjà été un corps partant dans les Canadiens également, qui est là aussi au camp. Est-ce que les trois vont commencer l'année ou il y en a un qui va être coupé? Mais ça fait beaucoup d'argent pour au poste de carrière d'avoir trois carrières. Dans les Canadiens, ça en prend deux, par contre, mais tu penses-tu qu'il va en avoir le troisième va être un jeune ou il va en avoir un des deux qui va être coupé, soit Harris ou Davies? Ouais, moi, je vais te dire honnêtement, là, tant qu'à moi, ça c'est mon opinion, ma philosophie à moi. Je ne sais pas si les Alouettes sont d'accord avec moi, mais moi j'aime garder trois quarts arrière, plus si j'ai un tout jeune qui peut rester sur l'équipe de réserve. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Moi, à mon avis, moi, je commencerai l'année avec les trois corps arrière vétérans, avec Vernon, Trevor et Dom Davis. Et de ce qu'on a vu en fin de semaine de Davis Alexander, le petit nouveau qui sort de Portland State, écoute, il a connu un quatrième corps, une séquence à l'attaque où il y avait de la pression en fin de match. Là, les Alouettes tiraient de l'arrière par 7 points avec moins de 3 minutes à faire. Il embarque sur le terrain, belle séquence à l'attaque. Il marque un toucher et il convertit le convertit 2 points pour prendre une avance d'un point avec moins de 40 secondes, moins de 30 secondes à faire dans le match. Donc, tu sais, j'ai vu des belles choses. Il est tout jeune. Je ne sais pas si ça peut être un grand quart arrière éventuellement dans la Ligue, mais à mon avis, moi, je serais prêt, dépendant de sa performance vendredi, moi, je pourrais même garder le quatrième quart. Oui, c'est sûr que ça va dépendre également. Puis jouer contre la deuxième unité, quoi. Puis souvent, c'est la deuxième unité de défensive. C'est la deuxième unité, mais c'est un corps arrière qui jouait son premier match professionnel à vie. C'est sur la route, à Hamilton, où, écoute, les partisans sont féroces là-bas. Donc, tu sais, de se mettre dans cette position-là, où, tu sais, c'est vraiment ta première opportunité de jouer au rang professionnel, et tu as une performance à la hauteur, comme il l'a fait. Moi, écoute, j'aimerais le voir encore une fois vendredi contre le Rouge et Noir, mais pour moi, c'est sûr, pour répondre à ta question, moi, je garderais les trois. Parce que si tu regardes l'année dernière, les Alouettes ont roulé avec Vernon Adams, avec Matthew Schultz, avec Trevor Harris. Ouais. Il y a deux carrières qui se sont blessés. Donc, tu en as besoin de trois dans la Ligue canadienne de football. Le calendrier est assez chargé. Et Harris avait très, très bien fait en fin de saison. Dis-moi, en terminant, y a-t-il un jeune qui, Marc-Antoine Defoix, je pense, qu'on a vu au camp d'entraînement des Packers, qui va très, très bien. Il y en a-t-il d'autres qui vont bien, qui pourraient être au camp d'entraînement actuellement, qu'on pourrait voir s'acclimater avec les Alouettes au courant de la Oui, saison? absolument. Je pense que tu en as une coupe. On vient de voir Tyson Philpott, le choix OK. de première ronde, neuvième au total, le receveur canadien. Il a manqué un bon bout du camp d'entraînement, mais il est retourné hier. Et écoute, il a eu une pratique incroyable. C'est un jeune joueur qui est fluide. Il court assez bien. Il a des bonnes mains. Donc, moi, je pense que Philpott, c'est un jeune joueur qui peut faire une différence sur le terrain cette année si on décide de le garder. Je te dirais, tu as même en défensive, tu as Tyrell Richards, le choix de premier au total, qui a été très, très fort pendant le camp d'entraînement. Donc, tu sais, ces deux jeunes, pour vous donner un exemple, tu sais, ces deux jeunes qui vraiment peuvent faire des belles choses. Ça peut être des belles surprises cette année sur le terrain pour les Alouettes. OK, Joey Altieri, Gogo, merci. On va s'en reparler très régulièrement durant la saison pour plaisir de se parler. Merci, Danny. Joey Altieri des Alouettes de Montréal.